de Luc Labène, on parle météorite. Luc, comment constitue-t-on une collection? Parce que vous parlez de collection, de collectionneurs, de gens qui accumulent, mais finalement, quand on est passionné par ces météorites, qu'on n'a pas beaucoup de sous, mais qu'on s'y intéresse, puis qu'on va consacrer un petit peu d'attention à cela, comment fabrique-t-on une collection? Alors, moi, je trouve, chaque collection commence un peu de la même manière. Hein. Il y a des incontournables dans les météorites. Je pense météorite de Sikhotalin, qui est une météorite féroce qui est tombée en 1947 en Russie, qui était jusque très récemment très abondante. On pourrait voir une météorite de quelques dizaines de grammes pour un prix vraiment abordable. Il y a quelques incontournables. Il y a la fameuse météorite d'Allende aussi, qui est une météorite incontournable aussi, parce que c'est une chondrite carbonée et c'est une des plus abondantes. Donc j'ai vu, à discuter avec les collectionneurs, on commence tous, et moi y compris, de la même manière. Hein. On essaie de trouver ces météorites qui sont finalement les plus courantes, même si ça reste des objets rares, pour avoir des petites pièces. Donc on peut constituer, il faut quand même quelques centaines d'euros, hein, quand même, mais on peut constituer une collection assez, assez facilement. En plus, moi j'ai mon site, il y a d'autres sites, il y a sur eBay, des gens peuvent trouver des choses à des prix très raisonnables, de petits fragments de météorites sur eBay pour quelques euros, 10, 15 euros. Maintenant, il y a une chose, moi pour les météorites, je trouve qu'il faut quand même avoir une taille minimum. Enfin, moi je trouve qu'il vaut mieux avoir moins de pièces parce qu'il y a des collectionneurs qui vont collectionner, vont avoir des centaines d'échantillons, mais des tout petits fragments. Enfin, je trouve à ce moment-là, ça perd même son sens et même son intérêt scientifique si un jour la collection repasse dans le domaine public. Donc, moi je conseille toujours aux collectionneurs, ayez moins de pièces, mais prenez des pièces un peu plus conséquentes. Déjà, vous aurez la surface de la météorite et pas juste un fragment cassé. Et voilà, et puis parce que la météorite, au fur et à mesure où elle est fragmentée, enfin, quelque part, il y a une perte pour la science, au final. Donc. Mais je dirais que c'est assez facile aujourd'hui de constituer une collection, alors qu'il y a 10 ans, c'était extrêmement difficile. On trouve du météore cratère. Oui, toujours. Alors, météore cratère, donc le fameux cratère en Arizona, ça a été ramassé depuis probablement 30 ans de manière abondante. Maintenant, autour du cratère, qui est une zone privée, il est interdit de chercher dans une zone délimitée. Par exemple, moi, j'ai un fournisseur qui a un terrain qui est, je pense, à une quinzaine de kilomètres du cratère et qui cherche, c'est comme dans son jardin, et qui trouve des météorites, encore du météore cratère. 15 kilomètres. Oui, il y en a de très très loin. Hein. Les morceaux ont été trouvés très loin. Donc on peut, au jour d'aujourd'hui, avoir un morceau de... En plus, c'est assez fantastique. Bon, c'est une météorite féreuse. Quand on voit le cratère, c'est un des... Enfin, c'est le plus beau cratère sur Terre, préservé en tout cas. Donc avoir à la fois ce morceau de météorite et une photo du cratère à côté, c'est juste fabuleux. Quoi. C'est celui aussi dans lequel s'entraînaient les astronautes d'Apollo avec Gene Shoemaker avant d'aller sur la Lune. Voilà. Donc il y a une histoire très chargée sur ce cratère. Alors, en France, il y a des... je veux dire météorites célèbres, enfin, je vais vous en citer deux, mais c'est celle de l'Aigle qui est dans l'Orne, qui est la première authentifiée comme étant, en tout cas par l'Académie des sciences de l'époque, une chute de météorites par bio, et puis celle d'Orgueil, qui est considérée aussi comme vraiment la première et ayant contenu Des acides aminés, qui laissaient penser que finalement la vie aurait pu tomber du ciel, si je puis dire. Est-ce que ce sont des météorites à rarissime? Est-ce que ça doit faire partie d'une collection aujourd'hui? Comment les trouve-t-on? Alors, oui, ces météorites sont rarissimes. Alors, l'Aigle a été quand même relativement bien distribué à l'époque dans divers musées. Donc il y en a évidemment la plus grande quantité au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mais cela dit, il y en a eu à peu près dans toutes les collections, dans tous les musées. Donc il y a de ça une dizaine d'années, moi quand j'ai commencé à faire des échanges avec des musées, j'ai pu obtenir des météorites de l'Aigle. D'ailleurs j'en ai toujours une dans ma collection. C'était assez facile. Et à l'époque, les musées étaient ravis par échange, donc échanger une météorite qui est finalement une météorite ordinaire, en dehors de son histoire qui est extraordinaire, pour des météorites nouvelles provenant du désert et parfois des météorites qui avaient des classifications rares. Maintenant, tout ça n'est plus possible. La plupart des musées ne font plus d'échanges et ces météorites considèrent que c'est un patrimoine historique. Il faut les garder pour leur histoire. Donc, on peut encore trouver des petits fragments de la météorite de l'Aigle, mais c'est extrêmement difficile, alors que Il y a, oui, il y a une petite dizaine d'années, ça se trouvait encore sur le marché. Alors, pour Orgueil, là, c'est encore une autre affaire. Là, il y a très, très peu d'Orgueil, même s'il y a eu un peu d'Orgueil de distribuer dans divers musées. Moi, j'en ai eu par échange aussi, que j'ai dans ma collection, mais c'est extrêmement difficile à... Alors, c'est une météorite extrêmement fragile, en plus. Je pense que cette météorite-là, c'est mieux qu'elle reste entre les mains des scientifiques, clairement. Des... Enfin, c'est, y a, ce genre de météorite, c'est un petit peu dommage de... Justement, si on a un beau morceau, la tentation de, d'un vendeur de la fragmenter en plus petit pour le... la vendre plus facilement. Voilà, moi, je sais qu'il y a certaines météorites, alors ça va peut-être étonner certains, mais il y a certaines météorites, je fais attention à qui je les vends, je veux être sûr qu'elles ne sont pas divisées en plus petits morceaux, parce qu'il y a des pièces qui voilà, doivent rester pour moi le plus complète possible. Voilà. Qu'est-ce qui fait le clou d'une collection? Ah, alors, là, je ne saurais pas quoi répondre à ça. C'est personnel, en fait. Oui, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est pas nécessairement le plus cher. Non, plus... non, vraiment pas. Non, je, ouais. Moi, je, enfin, évidemment, moi, la première météorite, c'est un, évidemment, là, je la mets vraiment sur un piédestal. Et après, moi, dans mes trouvailles, ça va être plus sur l'histoire qui s'y rattache, comme ma première météorite lunaire. Après, il va y avoir un collectionneur ou, bon, c'est souvent la première a une place spéciale, évidemment, même pour un collectionneur qui a acheté, voilà, sa première météorite. Mais je sais, par exemple, j'ai un client collectionneur qui est un collectionneur de météorites orientées. Je parlais de ces météorites qui ont une forme très spéciale lorsqu'elles sont entrées dans l'atmosphère. Et lui, voilà, la seule chose qui te fait vibrer, ce sont les météorites orientées. Et pour lui, le clou de sa collection, ça va être une météorite qui soit qui ait une forme vraiment de bouclier où on voit exactement comment elle est entrée dans l'atmosphère. Donc oui, chacun va... Et c'est bien, finalement, il y en a un petit peu pour tout, tous les goûts. On trouve sur le marché des collectionneurs qui vendent leur collection. C'est-à-dire que c'est un marché qui se renouvelle, qui, Assez peu, mais finalement, alors il y a parfois le collectionneur qui va, là ça arrive de plus en plus, qui va chercher à avoir des pièces plus grandes, donc il va remettre sur le marché des pièces plus petites pour avoir des pièces plus grandes lorsqu'il le peut. Après, il y a des collectionneurs qui peuvent simplement garder une, j'en connais, hein, qui gardent une météorite et vendent le reste pour passer parfois une autre collection. Bon, ça arrive. Ou parfois pour des problèmes économiques, ça peut arriver. Ça dit, les météorites, d'une manière générale, la valeur est en croissance, hormis quelques rares météorites. En général. Ça grimpe. Oui. Oui, quand même. Et puis, c'est vrai que on va en trouver de moins en moins. Ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau des airs, ça va devenir quand même de plus en plus... C'est déjà très difficile. Les endroits, les trouvailles faites sur des sites où il y a eu d'anciennes informations, ça commence à être fait aussi. Donc, je pense que dans les 5-10 ans à venir, ça va être difficile. Et bon, cela dit, pour la science, il reste beaucoup d'échantillons qui n'ont pas été analysés. En profondeur, donc il reste encore beaucoup de travail pour les scientifiques. Quand des scientifiques analysent une pièce, est-ce qu'ils peuvent vous en donner la provenance en disant ceci par exemple est un morceau de Vesta ou de tel astéroïde à tel endroit? Jusqu'où va l'analyse? Alors oui, là c'est vraiment un des problèmes des météorites, c'est voilà, à quel corps parent la rattacher. Alors il y a certaines météorites que l'on rattache à Vesta, effectivement. Enfin, Vesta et donc les astéroïdes associés à Vesta. Mais en dehors de ça, pour la les lune, autres... Mars. Voilà, la Lune, voilà. Ouais. Donc là, je dirais la Lune, ça a été entre guillemets assez facile par comparaison avec les échantillons des missions Apollo. Pour Mars, bon, c'est grâce aux sondes qui se trouvent sur Mars, on a des éléments maintenant certains. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on a un certain nombre de météorites. On a parlé de météorites qui auraient pu venir de Vénus. Vous y croyez? Vous avez entendu parler de ça? Oui, oui, oui. Alors, Vénus, aussi Mercure. Une autre météorite viendrait peut-être de Mercure. Alors, a priori, c'est pas impossible, mais statistiquement, peu probable, parce que déjà, il faut arriver... Ben, déjà, il faut l'éjecter de la surface de Vénus ou de Mercure, donc il faut quand même un gros impact. Hein. Le problème, c'est qu'aussitôt, on a le Soleil qui est quand même pas loin, qui va attirer les échantillons, donc a priori, ce n'est pas impossible, mais voilà, statistiquement... Ça fait beaucoup de conditions. Oui, mais maintenant, peut-être que dans la collection, on a ce genre d'échantillons, mais voilà, comment savoir, tant qu'on n'aura pas d'échantillons ramenés ou des analyses vraiment sur le sol précises, mais là évidemment c'est, Est-ce qu'en tant que je dirais spécialiste des météorites, on vous apporte des échantillons en disant qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors c'est la partie sympa aussi, c'est notamment quand je fais les salons, on m'amène toujours ce que les gens pensent être une météorite ou par téléphone. Alors il se passe pas une semaine sans que je reçoive un coup de fil d'une personne qui pense avoir trouvé une météorite, toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Alors je suis un peu à chaque fois, bien la plupart du temps les gens sont déçus, et parfois c'est un petit peu triste, parce que je me souviens en particulier d'un monsieur qui était convaincu de sa météorite, parce que c'était son grand-père qui était bûcheron à l'époque. La pierre était tombée à côté de son grand-père bûcheron, qui lui avait donc offert comme un cadeau fantastique, et pour lui ça ne faisait aucun doute, et du coup ça remettait en question un petit peu toute l'histoire du grand-père, parce que c'était une scorie en fait, hein, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et j'ai vu vraiment que c'était un petit peu triste à la finale. Là on parlait même pas de la valeur de la météorite, mais c'était l'histoire du grand-père. Le mensonge aurait peut-être été. Ouais, donc j'étais un petit peu. On casse un petit peu les rêves. Ouais. Cela dit, il y a des personnes qui repartent convaincues que je me suis trompé. Ça, c'est toujours amusant. Bon, il y a personnes qui acceptent très bien le diagnostic, comme quoi ce n'est pas une météorite, mais d'autres. Ah, puisque vous parlez de vous être trompé, aujourd'hui, vous avez abandonné votre cabinet médical pour ne faire que de la vente de météorites. Oui, oui. Est-ce que vous vous êtes trompé? Alors parfois ça manque un peu le contact autre qu'à travers les météorites. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, parce qu'il y a ce manque du l'avantage d'un cabinet médical, évidemment les rencontres s'enchaînent. Bon, évidemment il y a un contexte, hein, c'est le contexte quand même en général, si on va voir son médecin ça va pas très bien, mais ça me permettait de rencontrer des gens tout au long de la journée. Dans les météorites, finalement, dans le désert on rencontre assez peu de monde, et après je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur ou par téléphone. Alors ce contact manque, et puis c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais envie juste de repratiquer un peu. Mais il se trouve que la passion des météorites me prend tellement de temps que pour l'instant, je ne peux plus faire les deux. Mais bon, Ça veut dire que vous en vivez ? Oui, depuis un an et demi maintenant, je dirais. Bon, après, ce sont des choix, hein. On peut dire que comme médecin, je pourrais vivre mieux, entre guillemets. Mais voilà, ce sont des choix. Je trouve que... J'ai vraiment beaucoup de chance avec les météorites, puisqu'elles me font voyager. Elles me font quand même rencontrer des gens, aussi bien des scientifiques ou des collections. Ça me fait quand même des rencontres très intéressantes. Et puis, moi, à chaque découverte de météorites, je vibre, hein, ça ne s'émousse pas. Hein, Donc, et puis, ça me fait voyager, clairement. Donc, je suis très content de ce choix. Alors, j'ai beaucoup de liberté dans mon... emploi du temps, même si c'est difficile finalement de partir dans le désert. Voilà. Merci Luc d'être venu nous parler de cette passion avec enthousiasme et sincérité. Évidemment, le lien pour vous retrouver vos propositions de météorites est sur ce podcast. On vous retrouvera aussi sur les salons dont vous nous avez parlé, bien évidemment, et puis on continuera à voyager en vous écoutant régulièrement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode. Merci.